Au-dessus de gouffre, tu n'oubliais jamais. Tu es mal et tu souffres, mais tu essaies d'aimer. En voyage au-dessus de gouffre.